C'est pas mal dans un match entre les Sabres de Roberval et les Aiglons d'Alma. Ça s'est déroulé samedi à Roberval. Victoire des Sabres et une performance extraordinaire de Jérémy Girard avec 6 buts. Par contre, ce que les gens parlaient plus, c'est ce qui s'est passé. On est obligé de faire venir les policiers pour terminer le match. Pour en parler, on parle avec le président des Sabres de Roberval, Guy Larouche. Bonjour, bonjour, M. Larouche. Bonjour, M. Veilleux. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Ben écoutez, c'est des altercations qu'il y a eu avec des spectateurs du côté des visiteurs. Et quand on a vu ça, on n'a pas pris chance. On a tout de suite là, contacté la Sûreté du Québec pour s'assurer que ça aille pas plus loin et qu'on soit en mesure également de terminer la partie, comme on dit, dans le calme et concentré sur la priorité, soit le jeu, tout simplement. Donc, on le fait vraiment d'une manière qui était préventive. Il y avait eu différentes altercations. On voulait s'assurer que s'il y en a qui avaient, comment on dit, à porter plainte, etc., soit en mesure également de le faire. Puis, faut que ça reste concentré sur le jeu, tout simplement. C'est un aréna, ouais. C'est pas un arène. Donc, faut faire la différence là-dedans. Et faire noter, écoutez, il y a eu l'entraîneur des Aiglons d'Alma qui est allé lui-même là au niveau des estrades puis tout ça. Puis il faut pas, tu sais, l'entraîneur, faut qu'il reste avec ses joueurs parce que heureusement ils ont été très disciplinés, les joueurs sont restés au banc, mais ça aurait pu quand l'entraîneur est plus là, ça aurait pu dégénérer. Là. Ouais. Donc, pour pas que ça aille plus loin que ça. Écoutez, ça a été tout un match. Vous l'avez dit tout à l'heure, Jérémy Girard a une performance extraordinaire. 6 buts, c'est du jamais vu. Ouais. Là, c'est la première fois là qu'on voyait autant de buts que ça. Mettons qu'il y avait des ailes samedi soir. Fait que même vendredi soir, excellent match. Ouais. En passant, victoire de 6-5 également contre les Éperviers de Normandin. Donc, on décolle l'année du bon pied. On est bien content. Puis, on veut s'assurer que ça soit un spectacle qui est de qualité et que le tout se fasse dans l'ordre, la discipline et la sécurité. On va en reparler dans quelques instants, vu que vous êtes président des Sabres de Roberval, mais juste pour terminer là-dessus, ça a commencé sur une mise en échec qu'on a pu lire, c'est-à-dire? Oui, ben au départ, c'est sur une mise en échec, et par la suite, là, il y a eu altercation avec différents joueurs là sur la glace, et il y en a une fois sorti, ben là, il y a eu des supporters, peut-être un peu de frustration, peut-être un différent mélange qui tentait d'être explosif, puis on a voulu s'assurer du bon déroulement. Alors que le documentaire Parents Inc. sort actuellement pour faire réfléchir un peu le hockey mineur, ben il vient un incident un petit peu malheureux. Si on parlait maintenant des Sabres de Roberval, vous êtes président des Sabres de Roberval en même temps, est-ce que vous êtes satisfait dans l'ensemble de la première année des Sabres? Oui, écoutez, on est vraiment très satisfait. Satisfait autant de la réponse au niveau de l'équipe, l'organisation. On est quand même 23 responsables en tout dans l'organisation ici à Roberval au niveau des Sabres. On a une assistance extraordinaire. On parle entre 300 et 400 spectateurs à chacun des matchs. C'est vraiment la plus forte assistance de toute la ligue. Et l'équipe comme telle performe très bien. Regardez, on est une équipe d'expansion, comme on dit. Alors, oui, c'était le territoire là, que les Royals de Metz-Matchouin avaient, mais c'est vraiment là, une toute nouvelle équipe autant au niveau des coachs, les joueurs, tout ça. Donc, on est vraiment très fiers des résultats. Et on verra vraiment au niveau des séries. D'ailleurs, on s'en va faire une série à Shawinigan à la fin du mois. Donc, 28, 29, 30, 31. On va être dans le secteur de Shawinigan. Fait qu'on va partir avec notre autobus puis on s'en va directement. Je disais, par contre, j'ai Jason La Jeunesse à toutes les semaines qui parle des matchs des Sabres de Roberval à l'antenne. Puis il me disait qu'à un moment donné, il y a eu une semaine on a joué seulement avec très, très peu de joueurs. Il me semble que pour une année comme ça, où c'est l'esprit d'engouement, que ça arrive, c'est pas inquiétant un petit peu? Ben écoutez, c'est parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que au niveau des joueurs, c'est les jeunes de entre 17 et 21 ans. Et des fois, il y a différentes obligations qui sont là, soit des obligations scolaires, OK, ou encore des obligations également au niveau du travail. On en a qui terminent de travailler à 5 heures, ils arrivent extrêmement rapidement de l'extérieur. et ils s'en viennent jouer. Donc, à un moment donné, faut faire la part des choses, puis être conciliant également avec les autres et comprendre ce bout-là. Mais on a eu différentes discussions également avec nos joueurs pour s'assurer également de leur présence. Okay. Mais l'engouement, il est là, écoutez, c'est extraordinaire, puis ils sont vraiment contents de tout l'esprit d'équipe qu'on peut avoir. Au niveau des assistances, vous l'avez dit en début, on est satisfait des assistances. Ça prenait quoi pour être vraiment, au moins couvrir le budget? Parce que l'an 1, c'est toujours difficile, il y a des choses à acheter, vous avez acheté une mascotte également, et ainsi de suite. Ça prend à quoi, le budget, là? Écoutez, normalement, pour l'organisation, un budget annuel comme ça, on parle d'environ 75 000 $ annuellement. Okay. Moi, c'est pour ça qu'au départ, ce que j'ai fait vraiment une campagne de financement pour démarrer le tout du bon pied. Mon objectif était de 100 000. Écoutez, en quelques mois, à peine, j'avais atteint l'objectif et on est même rendu à 150 000. Donc, on est vraiment très satisfait de la réponse au niveau des entreprises. On les remercie également, les partenaires, la population qui ont acheté leur billet de saison également pour nous encourager. Et ça démarre vraiment du très, très bon pied parce qu'on le sait, l'argent est le nerf de la guerre. Donc, de tout bord, tout côté, on a des gens qui ont cru. Et c'est là qu'on voit qu'on va travailler vraiment à Hockeyville. La passion du hockey est ici, ça c'est certain. Et on est là pour y rester et on est là pour. Dernière question, vous êtes maire de Robertval également. Comment ça va le dossier de la réfection du centre sportif, Benoît Lévesque? Ben écoutez, moi j'ai rencontré mon député de premier ministre en novembre dernier. On a eu des bonnes discussions, il comprend très bien l'importance parce que ce qu'il faut savoir également, c'est qu'il reste deux arénas au Québec puisqu'il y a des estrades en bois, dont Robertval en fait partie. Et ça fait un peu plus de 40 ans à part les petits travaux qui avaient été faits avant Hockeyville. Il n'y a pas eu de rénovation majeure. La toiture, juste avant, la fin de semaine avant de le rencontrer, une partie de la toiture qui avait été arrachée. Donc, on voit en dessous que c'est pourri, c'est magané. On a fait une réparation temporaire pour se rendre jusqu'à là. Mais on est en attente d'une réponse au niveau du ministère. Mais on a bon espoir là-dessus. On fait confiance. Et c'est certain que nous, ce qu'on veut faire, si on veut faire des travaux entre avril et septembre, donc c'est certain qu'on commence à avoir hâte d'avoir une réponse parce qu'il faut y a différents processus qu'il faut enclencher, autant au niveau municipal, les règlements d'emprunt, tout ça. Donc, gros projet, 6,2 millions de rénovation du centre sportif, plus la réfrigération qu'on aurait aimé faire en même temps, tant qu'être dans les travaux, qui est de l'ordre de tout près de 1,5 million. Donc, une annonce peut-être en mars, quoi? Ah, écoutez, ça prendrait une annonce avant parce que le temps de tout se préparer, il y a un processus administratif qui prend peut-être tout près de 2 mois. Là. Donc, on commence à avoir hâte. Ben, M. Guy-Larouche, un gros merci, puis on s'en reparle bientôt. Président des Sables de Robertval, Guy-Larouche.